Festival d'été de Québec, Spira, La Croisée, Centre d'art La Chapelle, l'Ampli de Québec. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Sur la fabrique culturelle. Élément 8. L'octueur de violoncelle interprète Pavane, opus numéro 50, de Gabriel Fauré. Tous les talents d'ici, une seule adresse. lafabriqueculturelle.tv. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. 1991. Le Justicier 2. Mika et Sébastien, l'aventure de la porte géante. Mission impossible, répercussions. Sans lieu de set et sans laisser de traces. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical, avec beaucoup de nouveautés encore ce soir tout au long de l'émission. On va débuter d'ailleurs avec une claviériste qui est compositrice du Japon, Yuka Funakoshi. Et c'est de Yuka et Chronoship, le nouvel album de Yuka et Chronoship. Franchement, là, c'est mon coup de cœur là, depuis une semaine. L'album Ship, c'est leur quatrième album, et moi je les avais découverts avec l'album Dino Rocket Oxygen, paru en 2013, qui était paru sur Musea. Puis les deux albums suivants, c'est sur Cherry Red, et je connaissais pas beaucoup le précédent, là. Jean-François en avait déjà présenté à l'émission. Mais celui-là, là, il est superbe, en tout cas moi, ben à mon goût. Il y a une longue pièce, là, une longue suite, Argo, qui se décline en sept parties. Il y a une introduction chantée par Sonia Christina, la chanteuse de Curve There, mais après ça, c'est instrumental pour les six parties suivantes. Fait que ça fait un gros bloc. Et ensuite de ça, il y a des pièces instrumentales et chantées, une chantée en japonais, une chantée en anglais avec un chanteur invité. Alors ça, c'est le nouvel album de Yuka et Chronoship. On va débuter avec ça. La pièce de Ship Argos, puisque la longue suite, c'est Argo, A-R-G-O. On a également un autre coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup les albums avec les claviéristes. On poursuit avec, on débute avec une claviériste donc du Japon. On poursuit avec le claviériste russe Gleb Kolyadin et son superbe album qui vient tout juste de sortir son premier album. Si vous aimez le mélange de musique classique et rock, là, un peu, on pourrait penser à ce que faisait Keith Emerson là, dans ses projets quand il y avait des pièces plus classiques. Et également, il y a une des pièces, Kaleidoscope, moi, ça me fait penser à du manège un peu. Là. Il y a une trame de piano, évidemment, mais il y a des xylophones puis d'autres instrumentations qui embarquent. Il y a Theo Travis qui est sur ça. Également, comme invité, Gavin Harrison à la batterie. Et il y a Jordan Rudess. Il y a Steve Hogarth aussi qui chante sur ça. Mais Michel en avait présenté en tout début d'émission. Si vous allez sur le site de Terra Incognita, ben, il y a une chronique de l'album. Et ça avait été présenté. En tout cas, moi, c'est un de mes albums. On aura deux pièces de ça, de Eidolon et... ça va être Into the Void et The Room. Après Yuka Chronoship. Et une autre nouveauté de la France, cette fois-ci, Alco Frisbass. C'est leur deuxième album. Le premier était paru en 2015. Celui-là, c'est le Batteleur. À ce moment-là, au premier album, il y était deux musiciens, Fabrice Chouette et Patrick Dufour. Là, pour cet nouvel album-là, il y a un troisième musicien, Frédéric Chaput. Alors, on aura un premier extrait de cette... je dirais que j'avais beaucoup aimé le premier. Là. C'est Elko Frisbass, vraiment. Il y a en 2015, c'était dans mes coups de cœur. Celui-là, on dirait que, je sais pas, peut-être l'effet de surprise est passé un peu. Je l'ai trouvé comme un peu moins bon, mais il faut que je l'écoute plus. En tout cas, j'aime ce style-là. Donc, Elko Frisbass. On a donc Yuka Ekonoship, Gleb Koliadine et Elko Frisbass. Thank you. Vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances ou vos découvertes musicales avec nos auditeurs? C'est maintenant le temps de soumettre vos projets d'émission pour la saison automne-hiver 2018-2019. Comment faire? Rendez-vous sur notre site ckrl.qc.ca, puis dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Faire partie de l'équipe de bénévoles de CKRL, c'est intégrer la première radio communautaire francophone au monde. Tentez votre chance, vous avez jusqu'au 12 août. Les Geeks contre-attaquent, c'est l'histoire d'un groupe de jeunes rebelles anthropomorphiques à bord de leur vaisseau spatial qui affrontent les forces démoniaques d'un singe cyborg. Non, c'est pas ça. Les Geeks contre-attaquent, c'est une bande de jeunes pré-ados qui, l'espace d'un hiver, découvrent le sens de l'honneur et l'amour des chiens. Les Geeks contre-attaquent, c'est un magazine techno et ludique qui se prend à peu près autant au sérieux qu'un cheveu dans un jus de quille. En tout cas, c'est les samedis, c'est de 13h à 14h30 et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Puis c'est pas pantoute la même pub que v'là 2 ans. Et de retour avec Bruno et Marc, et c'est l'émission Terra Incognita. J'espère que vous avez apprécié votre premier bloc. On avait juste, pour terminer, Alco Frisbas de la France, et c'est leur nouvel album, Le Bateleur. Et c'était la pièce Soufre et Mercure. Ça vient tout juste de sortir, et moi, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup aimé. C'était un de mes coups de cœur, le premier album, là, paru il y a 3 ans. Et celui-là, il est dans la même lignée, hein, comme vous avez pu le constater. Juste avant, il y avait Gleb Kolyadin, c'est un pianiste russe qui fait partie aussi de la formation I Am The Morning et qui a fait paraître cette année son premier album. Et c'était les pièces Into The Void et The Room. Comme vous avez pu le constater, beaucoup de piano et il y a de l'orchestration aussi, hein, et plein d'artistes invités, comme je le disais tantôt. Alors, c'est un excellent album, un des bons albums jusqu'à maintenant. Et on avait débuté avec Yuka et Chronoship, là, qui est mon coup de cœur depuis au moins une semaine. Et c'est un des meilleurs albums que j'ai écouté, là, de les nouvelles parutions de rock progressif de 2018. Là, beaucoup, franchement, beaucoup aimé. Yuka et Chronoship, le nouvel album Ship. Et on poursuit maintenant avec une autre nouveauté italienne, le groupe Homunculus Res. Et ça aussi, j'avais découvert ça il y a 3 ans. Ça avait été un de mes albums coup de cœur absolu. Donc, un style Canterbury italien qui frôle le rock in opposition pas mal. Et c'est le nouvel album, donc Della Stessa Sostanza dei Sogni. Et c'est toujours des titres très très longs, leur troisième album. Et on aura 2 pièces de cet album-là dans le prochain bloc, là. Une pour débuter le bloc, puis une pour terminer le bloc. Et ce sera les pièces Denti Cadenti et Selamente Mentisse. Mais entre les deux, il y a Oak, on vous en parlait la semaine dernière encore. Moi, c'est mon album coup de cœur jusqu'à maintenant de 2018. Et Oscillazioni Alchemico Creative, et on aura la pièce Sandali Rossi. Et on aura également Nathan, hein, le nouveau disque de Nathan, on l'a présenté à quelques reprises déjà, Era. On aura la pièce Invisibile. Alors on y va tout de suite avec la nouveauté italienne Homunculus Res. Clamore di virtualità, templi e divinità lontane ed impalpabili, verso vapori di terre barbare in te. Voleremo curvi

queste reti informatiche nelle città. Pura energia dal suo apogeo trasmigra già nel sorriso ambiguo della sifide. Sei tu qui tra polveri e tra gas, da freddo esilio muovi al centro del sistema, muti spirito in materia, subliminale il tuo messaggio mi incatena. Non ho paura, sai, ti seguo negli abissi ed oltre ovunque andrai, vedrai. Le groupe italien Oscillazioni Alchemico Creative, OAK, et c'est leur nouvel album Giordano Bruno qui est paru cette année, et c'était la pièce Sandali Rossi. On y va en musique avec Homunculus Res, cette nouveauté italienne de leur nouvel album Della Stressa Sostenza dei Sogni, et on ira avec la pièce Denti Cadenti. Poi guardavo giù mia, ma tutto il resto è già nelle fauci del mare. E il mio da fare per non morire, vorrei davvero essere nessuno. Scivolo come nuvole, amore quanto amore ho consumato, e non ti vedo e non ti sento, invisibile. We'll be right back. que c'est l'histoire d'un groupe de jeunes rebelles anthropomorphiques à bord de leur vaisseau spatial qui affrontent les forces démoniaques d'un singe cyborg. Non, c'est pas ça. Les Geeks contre-attaquent. C'est une bande de jeunes pré-ados qui, l'espace d'un hiver, découvrent le sens de l'honneur et l'amour des chiens. Les Geeks contre-attaquent. C'est un magazine techno et ludique qui se prend à peu près autant au sérieux qu'un cheveu dans un jus de quille. C'est les samedis. C'est de 13h à 14h30 et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Puis c'est pas pantoute la même pub que v'là 2 ans. CKRL 89.1. Pour sa 23e édition, le Festival des Journées d'Afrique de Québec dans ses rythmes du monde fait vibrer la ville de Québec. Des artistes de toute origine se donnent rendez-vous du 28 au 30 juillet pour célébrer le chant, le rythme et vous donner la cadence. Le Festival des Journées d'Afrique de Québec vous est présenté grâce au soutien de la Ville de Québec, le gouvernement du Québec, Patrimoine Canada et CKRL 89.1. Consultez la programmation sur festivaljournéesd'afrique.com. On jase ton père pis moi, pis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. Tes amis, c'est des gens à fréquenter. Quand ils ont des cheveux longs, ils ont des anneaux dans le nez. On croit juste qu'ils ont une bonne influence sur toi. Tu sors devant le monde avec des gilets troués. T'écoutes plus tes records de la famille Simard. Tu t'achètes plein de disques avec des noms de morts. Pis ta musique du diable, tu l'écoutes pas assez fort. L'autre jour, on t'a pogné à l'écouter. Le vendredi, 22 heures passées. Puis surtout, c'est que les voisins doivent aussi l'écouter. C'est vraiment décadent. Pour le meilleur du métal à Québec, vendredi soir, 22 heures, c'est démentiellement vôtre à CKRL 89.1. Et de retour à Terra Incognita. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était Gleb Koliadin. C'est un pianiste russe. Et c'est son premier album, là. Vraiment excellent. Et c'était la pièce Insight. Juste avant, il y avait eu la nouveauté du groupe italien Homunculus Res. Et il y avait eu 2 extraits, en fait. Mais là, on avait écouté Cella Mente Mentisse. Juste avant, il y avait eu Nathan, tiré de Hera. Et la pièce Invisibile. On poursuit maintenant avec la nouveauté d'un groupe de chez nous, Mystery. Mystery, ça roule, puis ils produisent beaucoup. Et cet album-là, déjà, reçoit d'excellentes critiques. C'est leur 7e album, Lies and Butterflies. Et ils ont pris une vitesse de croisière, comme on pourrait dire. Et on aura la pièce Where Dreams Comes Alive. Lorsque les rêves finalement se réalisent. Puis pour eux, là, ça se réalise parce qu'ils ont une popularité incroyable en Europe. Là. Puis récemment, ils étaient dans un grand festival et en Europe. Ils sont souvent invités et sont très appréciés. On ira ensuite avec Iz, quand on a vu Laura Mead et son conjoint et d'autres membres de Iz à Terra Incognita. Je me suis procuré Emperson volume 2, là, Jean-François aussi, puis on l'aime bien les deux. Là, genre, on aura une pièce de Emperson volume 2. Ça, c'est paru en 2016 du groupe américain Iz, avec la pièce Penelope. On aura également de Laura Mead, de Remedium, une autre pièce. En fait, quand elle nous l'a présentée, elle a dit c'est la plus longue que j'ai composée jusqu'à maintenant, la pièce Dragons. Et on aura aussi de Cross et Jackson, donc David Cross, David Jackson. Je vous avais présenté cet album-là il y a quelques mois, Another Day. Un bel effort en duo de ces deux vétérans qui étaient dans des groupes, les deux groupes progressifs des années 70, peut-être qui faisaient le plus de place à l'improvisation. J'ai nommé King Crimson et Vandergraaf Generator. Ça donne que j'aime bien ces deux groupes-là. Donc David Jackson et David Cross ensemble, on aura la pièce Predator et on aura, ben voilà, c'est ce qui terminera le bloc, mais on y va avec Mystery, donc après ça Iz, Laura Mead et Cross et Jackson. search for the Holy Grail into the darkness. Seems like the schemes were made ahead of time, hiding behind the veil, faces without smiles, wide eyes to see you fail, drink to your fall. But before they find your track, run for your life, run away and don't look back, run to the dreams come. understand? Is it all a master plan? If anyone could find this, if anyone would dare to see this, and take away your blindness, then you'd be true. This isn't night, but who can see? If you have a clue, I will follow you. If anyone could find this, if anyone. Listen to the voices that speak at 3 a.m. No good can come from them today. Don't listen to the voices that speak at 3 a.m. They're gonna lie to you. Slay the dragons in your head. It's time to slay the dragons in your head. Move softly through the shadows before this falls apart. This time tomorrow you'll be free. Take only what you need now, the rest will weigh you down. By this time tomorrow you'll have me. It's time to slay the dragons in your head. It's time to slay the dragons in your head. Fight!

Montez à bord de Racine Musicale, commandé par des amoureux du reggae. Bigou et Selecta Jalabaman. Quand j'entends le rythme, ce rythme qui existe, le tambour qui fait boum et bam, qui bat dans l'harmonie. Une émission qui vibre et qui fait voyager au travers des styles et des années. C'est KRL 89.1. Et de retour à Terra Incognita, on avait terminé ce bloc avec la musique de David Cross et David Jackson et leur album Another Day, paru cette année. Et c'était la pièce Predator. Juste avant, on avait eu Laura Mead, qui est plus connue comme une des deux chanteuses de la formation américaine Is. Et là, c'est son premier album officiel. Elle avait déjà fait un EP. Et celui-là, donc, s'intitule Remedium, et c'était la pièce Dragons. On avait eu Is, justement, juste avant, avec la pièce Penelope, tirée de Ampersand Volume 2. Et voilà, on avait débuté avec Mystery, de leur nouvel album, l'album Lies and Butterflies, et c'était la pièce Where Dreams Come Alive. On poursuit maintenant avec une autre nouveauté, cette fois-là de l'Ukraine. Vous connaissez Anthony Kalugin, qui en fait trois groupes à lui, si on veut. Sunchild, Carfagan et Hogwash. Alors ici, il s'agit du nouvel album de Sunchild, l'album Messages from Afar, The Division and the Illusion of Time. Ça, c'est le titre de l'album. Alors, Message de Afar, la division et l'illusion du temps. Et c'est justement la pièce qu'on va écouter, là, de Division and Illusion of Time, de cette nouvel album. En fait, pour Anthony Kalugin, il est très prolifique. Hein? C'est son septième album, sous le nom de Sunchild. Et pour Carfagan, il y a 9 albums. Puis Hogwash, 2 albums. Quand même, là, pour quelqu'un qui est né dans le début des années 80, là, c'est quelque chose. Impressionnant. Alors, Sunchild, on suivra ça avec Town Scream. Ça, c'est le projet du claviériste de After Crying, un groupe hongrois. Donc, il est hongrois. Et c'est son seul album, Town Scream, Nagyvarossi Iconoc, ça c'est le titre de l'album. Vous irez voir là, sur notre site, là, tout va être publié demain pour les noms exacts. C'est le seul album qu'il a réalisé, donc ce sera la pièce Fekete Angulat. Voilà. Et, il faut me croire. Et on terminera ça avec Entity. Entity, c'est aussi un seul album qui a été réalisé en 2013. Town Scream, je l'ai-tu mentionné, c'était en 1997. C'est son seul album du groupe, un des claviéristes et membres principaux d'After Crying. Et on termine avec Entity, comme je le disais, ce bloc-là. Paru en 2013, c'est leur seul album, l'album Il Faso Centro. Ça, c'est un excellent album aussi. Ce sera la pièce Ant et peut-être L'Armatura, si assez de temps. On y va tout de suite en musique avec Sunchild. Sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita de l'Ukraine. A feeling can be just a moment in time. A feeling can be just an echo from the past. The heart, special place in your words can be just an echo from the past. And leaving the halls, a special place in your heart.

amo di te ciò che io voglio, vedo ciò che io di te voglio, sei l'idea che ho di te. Non mi bastano i tuoi sguardi, perché non so quel che tu pensi e vedo, non so più se creder nell'amore. È una cura che affonda dentro il cuore.